Ah, si demain tu me quittais, mes nuits seraient comme des prisons, d'où je ne pourrais m'évader, où je perdrais bientôt la raison. Mais ça ne peut pas arriver, je ne peux voir la vie chanter, l'amour effoler le ciel sans toi. Sans toi je serais un enfant perdu dans une forêt sans fond. Non, non, non, mais à quoi bon cette chanson. J'irai partout pour te trouver, même derrière l'horizon. Mais ça ne peut pas arriver, je ne peux voir la vie chanter, l'amour et voler le ciel sans toi. Sans toi je serais un enfant perdu dans une forêt sans fond. Non, non, non, mais à quoi bon jamais.